Yeah. Écoute mes chansons. Yeah. Ouais. Écoute mes chansons pour connaître un bout de moi. Voyage dans mes couplets, laisse-toi guider par le son de ma voix. Essaie de voir ce que j'illustre dans mes écrits. Je rassemble des morceaux de ma vie en collant les débris. Mes feuilles prennent du poids quand j'ai le cœur aigri. Je passe des heures à griffer des pages, mais avec le temps mon but maigrit. J'écris sur des kilomètres, le stylo sur réserve pour me donner une raison d'être. J'avance sur le dos d'une tortue, même si j'ai tortue. Souffre autant que moi quand la réalité nous torture. Dur de filer sur le droit chemin, surtout quand celui que tu empruntes est tordu. Trouves-tu que j'ai toujours la rage et les crocs? Prison lit de ma life, tente encore d'limer les barreaux. Considère-moi comme un toxico, parce que je m'injecte des doses de rap et que je fais des overs dans son micro. On a commencé le rap à 15 piges sans aucun prestige. On prend de la hauteur sans pour autant choper le vertige. J'écoute ce que nos vers disent. Mélomane débute, une plume à la main, le cœur rédige. On a commencé le rap à 15 piges sans aucun prestige. On prend de la hauteur sans pour autant choper le vertige. J'écoute ce que nos vers disent. Mélomane débute, une plume à la main, le cœur rédige. Ouais, je m'écris comme quand dans les nuages le soleil brille. La clarté de l'écriture a rendu clean mon esprit. Je respire quand l'inspiration prend mon cœur sous son aile. Quand mon rêve de faire vibrer la foule envahit mon sommeil. Je n'ai pas toujours les mots car la plupart sont sur mes feuilles. Mes mélodies sont toutes des fleurs qui attendent que je les cueille. Je me saoule en m'enfilant une bouteille d'encre tous les soirs. À trop fumer de paquets de stylos, mes feuilles en deviennent noires. Mélomane, je ne suis pas de la race humaine. Je la fais féconder d'un album chaque année en moyenne. Elle me fait chialer quand elle parle piano, guitare et violon. Mais parfois avec mes punchlines elle me reproche d'être violent. Ouais, c'est vrai qu'elle me rend possessif. Si je vois qu'on la maltraite, je deviendrai agressif. Mélomane, mélomane, j'ai toujours un morceau d'elle dans du cellophane. On a commencé le rap à 15 piges sans aucun prestige. On prend de la hauteur sans pour autant choper le vertige. J'écoute ce que nos vers disent. Mélomane débute, une plume à la main, le cœur rédige. On a commencé le rap à 15 piges sans aucun prestige. On prend de la hauteur sans pour autant choper le vertige. J'écoute ce que nos vers disent. Mélomane débute, une plume à la main, le cœur rédige. Mélomane débute, une plume à la main, le cœur rédige. Yeah. Yeah. J'ai pris la mélodie en otage. Souvent je dépanne la rime quand je la vois sur la route en rotage. Prisonnière de mes écrits, son avenir est vocal. Je rappe en doré, mi fa sol la si quand le moral est bancal. Putain, trach et malade doivent être deux mots synonymes. Je crois bien que je vais finir chez les mélomanes anonymes. Yeah, à notre rythme on avancera. Deux mois d'écriture, une semaine de rap. Voilà ce qu'on annonce, gars. On a commencé le rap à 15 piges sans aucun prestige. On prend de la hauteur sans pour autant choper le vertige. J'écoute ce que nos vers disent. Mélomane débute, une plume à la main, le cœur rédige. On a commencé le rap à 15 piges sans aucun prestige. On prend de la hauteur sans pour autant choper le vertige. J'écoute ce que nos vers disent. Mélomane débute, une plume à la main, le cœur rédige.